Section 44 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 44. L'Éventail par Sully Prudhomme de l'Académie française. C'est moi qui soumets le zéphyr à mes battements gracieux. Ô femme, tantôt je l'attire plus vif et plus frais sur vos yeux. Tantôt je le prends au passage et j'en fais le tendre captif qui vous caresse le visage d'un souffle lent, tiède et plaintif. C'est moi qui porte à votre oreille, dans un frisson de vos cheveux, le soupir qui la rend vermeille, le soupir brûlant des aveux. C'est moi qui pour vous le provoque et vous aide à dissimuler ou votre rire qui s'en moque ou vos larmes qu'il fait couler. Fin de la section 44, lue par Sophie à Veules-les-Roses en octobre 2024.